voilà tout seul en si j'ai qu'à réfléchir. Qu'a trouvé qu'ayant pas bon, qu'ayant pas tes droits de faire ça. Quand ça vous aime et moi, qu'elle s'arrête pour quitter moi. Qu'a profité de tout ça pour te faire un profiter. En fond à qu'ayant moi, timide l'eau qui a coulé. Et en la café couillon, mais si vous quittez moi, ça que fait moi mal. Fais moins mal. Tu en soirée là, m'en fait si ou pas là. Marie et les amis, qu'avait si madame si est doux. Moi à en moins, c'est rien qui vous en cavoué. Chaque fois des cadences, j'ai en moins accéléré. Oh, en pouvant oreilles, y'a au cachou chouté. Des petits mots d'après moi, en la cacontrole. Mais en tout un qui vini est installé. Et ça fait moins mal. Latino. Ouais. C'est un diabo. A Upera Latino. Doing it. si des fois chérie, maninatique, mystique, pas angélique, c'est tous les fous. C'est pour vous tous celles en qui construit. Blanche pas blanche, clou pas clou, on t'y casse pour nous. Et c'est pour en play, c'est pour en play. Chantez ça. C'est vous en plaît. Plus fort souple. Chantez ça. C'est vous en plaît. Chantez ça. Pas molli non. Chantez pas moi. Plus fort. Chantez pas moi. Oyo, oyo, oyo, oyo, oyo, oyo, oyo, oyo, oyo, chanter à tout. C'est vous en plaît.